manque un peu les filles. Allez, ouais, ah, si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Petit Pékin, oh oui, viens avec moi. Apprendre ce nouveau pas. Salut à toutes et à tous, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne du RIG 90.7 de la bande FM et aussi sur le net rigfm.fr. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Johnny de A à Z, la 460e émission. Et aujourd'hui, je vais vous proposer d'écouter la seconde partie, Johnny Hallyday et les versions étrangères et les versions françaises. Donc, on va écouter Johnny Hallyday avec des versions, ses versions étrangères qu'il a pu chanter en allemand, en espagnol, en italien, en japonais, et puis en anglais, évidemment. Et puis, il a enregistré ces chansons-là pratiquement sur les mêmes bases orchestre que les versions françaises, ou des fois l'inverse. Il a d'abord chanté en anglais et après il a repris en français, mais sur les mêmes bases orchestre. Et donc, avec ça, on peut faire un petit montage qui seront plus ou moins réussis déjà, je tiens à le dire. Il y en a qui marchent très bien, il y en a qui marchent un peu moins bien. Vous allez juger ça ce soir en écoutant cette émission pendant près de 2 heures. Êtes-vous prêts? Déjà, est-ce que vous vous rappelez comment ça fait, hein, un passage du genre Johnny qui chante en espagnol, un coup c'est espagnol, un coup c'est un français? Vous vous en souvenez pas? Eh bien, ça donnait ça. Toda la música que amo viene de allá, viene del blues. Sus notas van improvisando para explicar lo que es el blues. Los sentimientos más profundos, eso es el blues y nada más. Él es mi rey, él es mi mundo, y no lo negaré jamás. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Toda música es ira menor del blues. El blues te dice que te quiero y que me duele tanto amor. Te busca más allá del tiempo y es una forma de oración. Ouais, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Wow! J'y mets mes peines et tout ça, ça devient le blues. Le chante autant que je l'aime et je le chanterai toujours. Viento del sur en la guitarra, dos manos negras y una voz, cantando sueños y nostalgias entre los campos de algodón. Ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal en crevé. je chante quand même. Ouais, c'est ma prière pour te garder. Trop de la musique qui amo. Vieni derrière, vieni del blues. Trop de la musique qui amo. Esta mezclada con el blues. Toute la musique que j'aime. Oui, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. La musica que amo, ou sinon autrement dit, la musique que j'aime. Voilà, voilà en gros, en exemple, tout ce que vous allez voir tout au long de cette soirée, aussi bien en allemand, français, hein, allemand français, espagnol français, italien français, japonais, non pas de japonais cette fois-ci parce qu'il n'avait qu'un titre, et il y aura aussi, puis quoi, turc aussi, il y aura Johnny en turc, chantant en turc. Mais ça, c'était même pas un montage, c'était fait d'origine. Et Johnny en anglais, évidemment. Et si on revenait un petit peu en arrière, hein, nous sommes en 1962, le raid américain de Johnny pour enregistrer ses rocking hits est rapide comme l'éclair. Le 17 février 1962, on commence. Trois jours plus tard, on ferme. Autant dire que Johnny Hallyday a passé plus de temps en avion que derrière son micro. Il faut dire que tout était préparé à l'avance. Johnny et son cousin Lee Hallyday ont déjà choisi les titres en s'usant les oreilles sur une pile de 45 tours simples venus des USA. Leur cocktail est habile, hit à la mode, classique du rock et version en anglais de quelques titres français. Ça donne, en respectant cet ordre, Diana, Maybelline, Shake the Hand of the Fool ou encore Hello Mary Lou, Walla Shaking Going On et Hold Back the Sun, cover country de Retiens la Nuit. C'est même pas Retiens la Nuit que je diffuse, c'est les tendres années, Tender Years. You keep saying you love him, I believe that it's true and it's just. Doesn't matter how much I love you, but in time you'll understand, dear. When you shed a tear, then you'll know you were living in your tender years. In your eyes there's a love light that's shining for him, but how long will it stay there? Will that love light grow dim? You can just see the happiness, you can't see the tears. It's true, 'cause you're living in your tender years. Your first love, I'll wait and be your last. I'll be somewhere in your future to help you forget the past. And you know that I love you with love that is sincere, 'cause I'll wait till you're true living in your tender year. Inside, 'cause I'll wait till you're through living John Hayden 1962 avec Tender Years ou sinon Les Tendres Années. Le montage était impossible ou du moins inaudible à faire aussi bien pour Hold Back the Sun et Retiens la Nuit que Tender Years et Tendres Années en version française. Impossible à faire, négatif. Par contre, le suivant, oui, ça marche bien. Oui, tout à fait. Nous sommes donc en novembre 1963. Johnny s'envole en compagnie de Sylvie Vartan pour un séjour à Acapulco et de nouvelles séances d'enregistrement à Nashville. Sylvie au studio RCA Victor pour deux albums et Johnny au Mercury Sound Studio sous la direction de Shelby Singleton. Il enregistre là plus d'une vingtaine de titres accompagnés par les musiciens de séance d'Elvis Presley, ceux-là même qui jouent sur le nouveau hit du King, Devil in Disguise. Et la plupart de ces nouveaux titres sortiront en Super 45 Tours dès la rentrée 1964 ou seront réenregistrés sur leur base orchestre en français pour figurer sur le 33 Tours Alléluia en 1965. Parmi ces titres, Bolt of Love, hit nashvillien d'Eddy Kilroy. Cette chanson est adaptée par Ralph Burnett sous le titre La pierre d'amour qui restera longtemps obscure et sorti sur une compilation en 1973 chez Philips. Bolt of Love sera mixé avec une piste guitare différente, chantée de nouveau en 1965 par Johnny, sous le titre Celui qui t'a fait pleurer et enregistré sur l'album Alléluia. Eh bien, on va écouter ces deux mix-là. La version donc Celui qui t'a fait pleurer et Bolt of Love, tout de suite sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. It came on me like a flood of sorrow right after a big black cloud. A cold wind swept through my heart and the thunder crashed hard loud. Well, it came down from above, struck down by a bolt of love. I was struck down by a bolt of love. Il n'a pas su t'aimer, te prouver un jour son amour en retour. Te voyant souffrir, mon cœur t'a prise à lui, ah, c'est vrai, sans regret. Qu'il revienne, à celui qui t'a fait pleurer avant, à celui qui t'a fait pleurer. Well, I run and I hid under every tree, but I couldn't get away. Mais c'est trop tard, oui tu vois, il peut pleurer. À présent tu es à moi. Well, it came down from above, struck down by a bolt of love. I struck down by a bolt of love. À présent, nous sommes en mars 1964 pour appuyer la sortie en Allemagne du film D'où viens-tu, Johnny. Les deux tubes de la bande originale sont mis en boîte à Paris sur les bases orchestre originales. On parle donc du titre Ma guitare et l'autre titre, c'est Pour moi, la vie va commencer. Mein Leben von Erst. Van Echt, Richt Anne. Vous allez voir ça, vous allez entendre ça tout de suite sur l'antenne de RIG. Je ne parle pas allemand, non. Mein Leben fängt erst richtig an, wenn ich nach Hause gehen kann. Dorthin, wo meine Freunde sind, wo ich in Sonnenschein und Wind schon einmal glücklich war als Kind. Pour moi la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli, foulant le sens de ma prairie, chevauchant avec mes amis. Pour moi la vie va commencer. mein Leben fängt erst richtig an, wenn ich mal wieder reiten kann. Durch die Prärie im Sonnenschein, dann werden Freunde bei mir sein und ich bin nie mehr so allein. Pour moi la vie va commencer et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, mes années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Dann fängt mein Leben richtig an. Dann fängt mein Leben richtig an. Ah, dann fängt mein Leben richtig an. Ben, Leben, oui, je comprends ce que ça veut dire, Leben, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous allez voir qu'au cours de cette émission et au cours de ces petits mix, donc il y a quelques différences, on va dire, soit des titres plus clairs, soit des titres un peu plus, oui, ben, un peu plus graves ou quoi que ce soit. Ben oui, ben, des fois, avec, quand on retravaille des morceaux qui ont été mixés avec 30 ans d'écart, ça donne ceci, le mixage est tout à fait différent. Là, à présent, on va écouter une version originale, enfin une reprise, une cover de la part de Johnny Hallyday. Nous sommes en mars 1965 et Johnny enregistre avec le groupe allemand The Rattles, un simple deux titres. Sur la face B, il y a It's Mockin' Time, reprise de Carl Perkins et interprétée dans un style sauvage sur des guitares saturées qui sortira uniquement en Allemagne. That sounds like jungle music to me, children. I got a little jungle song for you. Well, down in the jungle where the wind blows, we live the signified monkey in a coconut tree. Monkey met the lion one bright sunny day. Said, if you're gonna be the king, you've gotta move this way. And do the monkey shine. Ah, do the monkey shine. Well, it's a new sensation that's shaking this nation called monkey shine. Buffalo, Chicago, by the lake, Omaha and Denver and out in L.A. On my way to Memphis and that hometown of mine, Jackson, Tennessee, they're doing the monkey shine. The monkey shine. Ah, the monkey shine. Well, it's a new sensation that's shaking this nation. Monkey shine, it's called monkey shine. Like a 44, monkey grabbed a trilling just in time. He raised one foot up and down the monkey shine. It's a monkey shine. It's a monkey shine. Well, it's a new sensation that's shaking this nation. It's monkey time. Everybody, do the monkey shine. That's shaking this nation. It's monkey time. Let's do the monkey time, everybody. It's monkey time. Everybody. Do the monkey time. Monkey. Monkey time. It's Monkey Time est un titre erroné. C'est plutôt Monkey Shine, donc, qui est le simple de Carl Perkins et qui fut également repris par Sylvie Vartan. Non, on n'écoutera pas la reprise de Sylvie Vartan. À présent, nous sommes en novembre 1965. Johnny et Sylvie, mariés depuis le 12 avril 1965, partent pour un court séjour en Angleterre. À Londres, lors de la Royal Performance, ils sont présentés à la Reine d'Angleterre. Et pour le besoin d'un passage télé à l'émission Ready, Steady, Go, il enregistre à Paris une nouvelle version de Ne pleure pas, chanson écrite par Mickey Jones, alors guitariste de Sylvie. They Call Him a Man est sûrement l'un des morceaux les plus rares de sa discographie. On l'écoute en version anglaise, ce titre-là. Pas de mix. Every morning at dawn, he'll stand there and wait for the sun. Then he'll be on his way to do what must be done. He will do all he can to help his friends. When troubles come, he'll fight to the end. They call him a man. They call him a man. Oh, he needs to be loved, for he needs to give his love too. He will fight if he must, if that's what he has to do. He will do all he can to help his friends. When troubles come, he'll fight to the end. They call him a man. They call him a man. Every morning at dawn, he'll stand there and wait for the sun. Then he'll be on his way to do what must be done. He will do all he can to help his friends. When troubles come, he'll fight to the end. They call him a man. Tout à l'heure, je vous disais que Johnny Hallyday avait chanté aussi en turc. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Johnny reprend pour le marché turc deux titres tirés de son dernier album. Johnny chante Hallyday, mi-turc, mi-français, mon anneau d'or et ne joue pas ce jeu-là. On avait écouté la dernière fois, ne joue pas ce jeu-là. On va écouter tout de suite alors mon anneau d'or, bien sûr. Aşkımın sebebi o altın yüzüktü. Bir güzel çift gözdü. Depuis bien des années, il ne m'a pas quitté, plus fidèle qu'un ami. Quand j'avais le cœur gros dans ma main, je le serrais, il chassait mes ennuis. Bonheur, je l'ai cru là parfois, mais toujours l'anneau d'or me disait non, cherche encore, ton amour n'est pas là. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On va te retrouver tout de suite, Johnny Hallyday, à l'Olympia 1965, lors d'un Musicorama avec I've Got Money. No more money will I need. Yeah, I've got money, baby. No more money will I need. When I got your love, and I'll be the happy one. Let me tell you, I got money. No more money will I need. Yeah. Pretty baby, no more money will I need. Yes, when I got your love, and I'll be the happy one. Let me tell ya. Yeah, pretty, pretty, pretty baby. Come on, come on. Yeah, come on, come on. Yeah, baby, baby, come on. Yeah, I need your love, pretty, pretty, pretty baby. Wow. Je vais vous entendre taper dans vos mains. I've got money. No more money will I need. Yeah, I've got money. Pretty, pretty, pretty baby. No more money will I need. Yeah, well I got your love and I'll be the happy one. Yeah, pretty, pretty, pretty baby. Wow. Let's go! Go! Ah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Go! Yeah! Johnny danse, Johnny met toute son énergie dans le sprint final. Et dans la salle, c'est un déferlement. Le petit commando de jeunes qui, pendant tout le spectacle, brandissaient de leur place des banderoles avec Vive Johnny se déplace maintenant vers la scène et on ne contient plus ces groupes enthousiastes qui courent vers leur idole. Pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, p Johnny Hallyday est revenu apparemment plus gai, plus détendu qu'avant, et même avec des moments de fantaisie. Pas d'erreur, Johnny est resté pour son public un héros, un modèle envié et aimé. La semaine prochaine, vous pourrez entendre dans Musicorama les autres chanteurs de ce programme de l'Olympia, Noël Deschamps, Jean-Jacques Debout, Pierre Perret et les Clara World Singers. Musicorama, émission de Lucien Maurice et Bruno Cocatrix, vous était présenté par Robert Marcy dans une réalisation de Catherine Félix. Merci Robert Marcy. Et voilà, on retrouve Johnny Hallyday maintenant au Palais des Sports en 1967. Le passage de Johnny se déroule dans une folie furieuse. Après plus d'une heure de concert, il revient en jeans, perfecto et bottes noires pour interpréter Lucille de Little Richard, terminant le show. Non, là oui, parce que là, c'est un principe, c'est au début de l'émission. C'est au début, là. Eh oui! Ah ben voilà, on le rappelle, bien sûr, on le rappelle. Il termine le show en fracassant sa guitare et en se roulant par terre sous des éclats stroboscopiques. Thank you. Johnny Hallyday au Palais des Sports en 1967. À présent, nous sommes en 1968 et nous allons retrouver les fameux mix version étrangère avec les versions originales. Johnny travaille avec Gilles Thibault qui lui écrit l'un des plus beaux textes Entre mes mains, numéro 1 en juin 1968 et est distribué dans de nombreux pays. Sur ce même disque, le titre Jeune homme, écrit par Jacques Revaux et Ralph Hernet, est aussi un hit. Les versions italiennes sont enregistrées le 10 octobre 1968 à Londres, à l'Olympic Sound Studio et sont mixés pour sortir en simple 2 titres. Et après, on écoutera Canton Sifflé, extrait de l'album Rêve et Amour, et également chanté en italien, mais cette version était inédite jusqu'en 1993. Voici Ragazzo qu'on va écouter. Il y aura aussi donc Queste Mia Mani, qui sera uniquement que la version italienne, et aussi nous aurons en version italienne Hawaï, hein, qui est le, autrement le titre Canton Sifflé. Ragazzo, ascoltami ragazzo, stai seminando guai, ovunque vai. Ragazzo, ascoltami ragazzo, tu voli ma non sai che ce lo hai. No, tu non sai dove sta di casa la pietà. No, non avrai con i pugni la felicità. Tu spegnerai con un soffio la tua libertà e poi piangerai e nemmeno un cane amico ti consolerà. E tutta qua la verità. Jeune homme, tu parles comme un homme, à croire que t'as tout vu, que t'as tout lu. Ouh, jeune homme, tu parles comme un homme, à voir tes poings fermés, t'es sans pitié. Mais que sais-tu de celui qui n'a plus de paix? Que fais-tu d'un bateau qui sombre dans la nuit? Et que fais-tu d'un vieillard qui a peur de l'hiver? Oh oui, que fais-tu des milliers de gens qui souffrent aujourd'hui sur la terre? Si tu savais ce que je sais. Ragazzo, ascoltami ragazzo, stai seminando guai, ovunque vai. Oh, jeune homme, que respecte les hommes, d'être digne de vivre et de mourir. Voici la version italienne de Entre mes mains. Queste mie mani. Sorti sur l'album en italien en 1976. Sur la compilation, bien sûr. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, Johnny de A à Z. Guarda queste mie mani. Son selvagge, lo sai. Sono due uragani. Non perdonano mai. La mia casa è la strada. Sempre a pugni santé. Io non lascio la strada, nella vita che ho. Ieri, oggi e domani, sempre a pugni farò. Sto qua, tu stai là, sola in mezzo alla città, ma per te volerò, fammi un fischio e vengo là. Un, due, tre, un, due, tre, fammi un fischio e sarò da te. Un, due, tre, un, deux, trois, et comme quoi? Come stai? Cosa fai? Questo bacio me lo dai. Uno qui, uno là. Mamma che felicità. Piove un po', ma che fa? Qualche bacio si bagnerà. Io con te, tu con me, per la città. Yeah. Sai che fai, fammi un fischio e mi rivedrai. Un, due, tre, un, due, tre, sarò con te. Che cos'hai, cosa fai, quanti baci che mi dai. Uno qui, uno là. Mamma che felicità. Quando vuoi, sai che fai, fammi un fischio e mi rivedrai. Un, due, tre, un, due, tre, sarò con te. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Vous écoutez Johnny de A à Z ici sur l'antenne de RIG. Et dans cette émission, la 460e, je vous propose d'écouter Johnny Hallyday et les versions étrangères. Donc, c'est-à-dire Johnny qui chante en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, pas en japonais, en turc aussi. Et puis aussi, de temps en temps, on va écouter Johnny Hallyday et avec un mix. C'est-à-dire qu'à partir des mêmes bases orchestres, eh bien, on va faire un petit mélange de la version française avec par exemple la version anglaise. Tac, ça donnera un certain titre qu'on écoutera au fur et à mesure de la soirée. On va écouter Johnny Hallyday qui reprenait en 1969 Yo ti voglio, hein, que je t'aime, est numéro 1 de l'été 1969 avec le Metek de Georges Moustaki et tous les bateaux et tous les oiseaux de Michel Polnareff. Johnny l'enregistre au studio de Milan sous le titre Quanto ti amo. Donc la face B, Yo ti voglio, et l'adaptation de Que je veux figurant sur l'album mythique Rivière, ouvre ton lit. Piogge grigie sopra il mare, nella tempesta si è perduto il mio cuore. Adesso io ho bisogno del tuo amore. Ti prego, tu devi venirmi a salvare. Io ti voglio. sommes en pleine période où Johnny Hallyday chante en italien, en témoigne le titre suivant. Nous sommes à présent en 1970 et Johnny interprète « Quando l'amore non si andrà », autrement dit « Ce que l'amour a blessé », c'est une marche militaire écossaise composée par Jean Renard. Jean-Claude Vanier, arrangeur et chef d'orchestre, improvise en studio une intro jouée à la flûte traversière inspirée par Ian Anderson, leader de Jethro Tull. Et on écoute cette version-là, la version mixée Johnny en français et la version italienne. Tu mi sei vicina e sul tuo viso hai un'espressione che io non ho visto mai. Comme des jeunes vieux, ils marchent le dos courbé, ils font un peu pitié, ils font un peu pitié. Quando l'amor, quando l'amore se ne andrà. Comme des revenants de guerre, comme des revenants de loin, qui ont offert leur vie à qui on ne rend rien. Io dirò, griderò a tutto il mondo, conosco l'amore, signore, io, e non mi pentirò, no, e non mi pentirò. Ce che l'amour, ce che l'amour ha blessé. Comme des revenants de guerre, comme des revenants chez soi, ils trouvent le feu éteint, on ne les attend pas. Devant les cendres froides, comme des chiens sans pleurer, ils lèchent leurs blessures, ils soignent leur passé. Ce que l'amour, ce que l'amour a blessé. Et tra poco finira, et mentre te ne andrai, io spero proprio che tu non ti volterai. Insegnato tu a non amare più ed ho imparato già. Però che effetto fa? Quando l'amor, quando l'amor, quando l'amore durant l'été 1970, la tournée de Johnny Hallyday bat tous les records d'entrée. Appuyée par ses récents tubes, Jésus-Christ, Que je t'aime, On me recherche, Ce que l'amour a blessé. En juillet, il enregistre au studio Philips de Milan une nouvelle création pour sa venue à la télévision italienne. Domenica Domani est composée par Paolo Conte qui sera découvert en France à la fin des années 80. Cette chanson-là, on l'a diffusée lors de la précédente émission, version étrangère, version française. Et Ridatemi il sole est adapté de Rendez-moi le soleil de Mickey Jones et Tommy Brown, marquant une recherche musicale avec l'apport de nouveaux instruments et la nouvelle technique des studios 8 pistes. Ce sera uniquement la version italienne qu'on va écouter. Angelo blu e la terra, un Titre suivant, nous sommes à présent en 1972, en juin précisément, c'est la sortie de l'album Country Folk Rock, disque très novateur puisqu'il présente d'une part un style très country, musique, avec les titres Ma main au feu, Hello USA, signé Michel Mallory, et d'autre part des chansons plus traditionnelles, plus latines, comme Si je devais mourir demain, et le titre choisi comme 45 tours de l'été. Morire domani et Dio creerà donna, qui termine l'album Country Folk Rock, sont enregistrés à Londres. Morire domani est interprété lors de la très populaire émission TV Le Rail en direct à la guitare acoustique suivie de Je suis né dans la rue et Voilà Shaking Going On que j'ai pu vous diffuser dans une émission précédemment. On va écouter cette version mix de français-italien de Morire domani, Mourir demain, et après on écoutera la version italienne de Essayer et Dio creerà donna. Solo a Dio confesserò il male che ti ho fatto io. J'ai vécu comme un animal, combien de fois t'ai-je fait mal. J'ai voulu vivre à tout prix, je n'ai rien fait de ma vie. E perciò io resto qui e canto come se dovessi morire domani. Vedrai, domani cambierà, cambierà. Morire domani. Domani cambierà, cambierà. Morire così. N'en peux plus, je mets mon front sur ton sein nu. Che darei per stare con te sul seno tuo mi scalderò e vedrai che insieme a te la mia vita cambierà. E pour la première fois je t'aime comme si je devais mourir demain. Mourir demain. Mourir demain. Con amore, con amore. il suo nome. Ma non resto solo qua giù. Dio gli donò una donna per amare. Per amare. Per far l'amore, io sono qui insieme a te, ringrazio Dio con amore. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Nous sommes à présent à l'Olympia en 1973, le 20 juin exactement, pour un Musicorama. Et Johnny nous interprète, j'allais dire Elvis, Johnny nous interprète Blue Sweet Shoes. Il est arrivé avec une grande guitare. On l'appelait le King of Rock and Roll. Quand il s'est mis devant son micro, il a simplement dit: Hi everybody. I'm gonna sing a little song for you now. Oh, for the money, two for the show, three to get ready, no cold can't go. Don't you stay for my blues, way too. Well, you can do the thing, stay off for my blues, way too. You can knock me down, stamp on my face, slander my name all over the place. Do the thing that you wanna do, on the way off of my shoes. But don't you stay for my blues, way too. Well, you can do anything that they offer my blues, they should. Ready? I'm out of my house, still in my car, drink my salad from my old food jar. Do the thing that I wanna do. Only half of my shoes, don't you? Stay for my blues, they should. Well, you can do anything, but they offer my blues, they do. For the money, two for the show, till you get ready, you know, go, go, go, but don't you step on my blues, ain't you? You can do nothing when they offer my blues, ain't you? Jump, no blue, blues, ain't you? No blue, blues, ain't you? No blue, blues, ain't you? No blue, blues, ain't you? You can do nothing when they offer my blues, ain't you? Simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Oui! Eh bien alors, juste après la pub. Alibay by Alibay. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Darling baby, je t'aime, darling baby. Mais dis-moi si tu m'aimes, darling baby. Mais darling baby ne connaît qu'un tout petit mot de français. Et quoi que l'on veuille savoir, elle répond toujours Ricard. Darling baby, dis-moi, darling baby. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, darling baby? Si on allait faire un tour, si on allait faire l'amour, dis-moi d'accord pour ce soir. Mais elle répond toujours Ricard. Darling baby, ça y est, darling baby. T'as eu ce que tu voulais, on t'a servi un Ricard et tu as Ricard. T'avais retrouvé la mémoire. Et quand je t'ai demandé si tu voulais bien, tu m'as dit oui. Vous allez me demander pourquoi il y a de la publicité, Ricard, dans cette émission version étrangère, version française. Ben oui, dans cette pub, il y a deux mots en anglais, darling et baby. On reprend le cours de cette émission version originale et version, enfin une version étrangère et version française. Nous sommes à présent en 1974, sous la direction de Jean Renard, qui s'occupe alors des réalisations artistiques de Johnny Hallyday chez Philips Phonogramme. Une séance est organisée au studio orthophonique de Rome, où sont enregistrés dans un nouveau style symphonique, Prends ma vie et je t'aime. je t'aime, je t'aime. Le 23 avril, le 25 et 26 mai 1975, Johnny enregistre au studio Sonic de Milan et au Sun Workshop I Too Say Too, adaptation donc de Stuck on You et repris en français sous le titre Comme un fou sur le 33 tours Rock à Memphis. O Bisogno est une ballade country originale de Michel Mallory figurant sur Insolitude. Prendi Me, Prend ma vie est l'une des plus belles réussites tant par le sens inné de la mélodie des auteurs italiens que par les qualités d'enregistrement des grands orgues de la basilique Sacro Cuore di Maria de Rome. On va écouter donc Prendi Me et Too Say Too tout de suite sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Version étrangère, version française. Non ho mai messo piede in una chiesa e poi pregare non so. Le preghiere non me le hanno mai insegnate. No, non mai. E mai davanti a gente mi sono messo in ginocchio a supplicare. Oh, per lei ora ti prego. Non è così, oh, oh, oh, oh, oh. Non ci pensiamo più. Oh sì, io sono io e tu sei tu. E la déhanche a fait rêver. Et son t-shirt ne peut rien cacher. Tout ce que j'ai, si elle veut, je lui donne. Oui, mais contre son numéro de téléphone. Oh oui, mais un taxi s'arrête, monte, elle s'en va. Le signe de la main, ce n'était pas pour moi. Oh, j'ai tout compris. Je suis, oui, comme un fou. Non ci pensiamo più. Oh sì, io sono io e tu sei tu. Alors je reste là. Oh oui, je suis, oui, comme un fou. Alors je reste là. Oh oui, je suis, oui, comme un fou. 1975, en prévision d'une tournée en Espagne et de la retransmission d'un concert spécial TV à Madrid, Hey Lovely Lady est enregistré sur les basses orchestres de Nashville. La face B permet de retrouver la ballade Quand revient la nuit, Mr. Lonely, interprétée en 1965, repris ici avec le texte original de Bepi Vincent. On va écouter les deux versions, donc version originale, version, oh, je vais y arriver, version étrangère, version française, Mr. Lonely, Quand revient la nuit. Ouais, je suis pas très fan de ce mix-là. Écoutez. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my home. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. Chagrin que j'ai d'être séparé. Bien sûr j'ai changé. Ah oui, changé. Plus fort que jamais, je veux t'aimer. Allez, maintenant, on va quitter les années 70 pour arriver aux années 80 où Johnny reprend à chanter en anglais pour commencer dans cette année 1981 et après, l'année suivante, il repartira chanter en espagnol. On va écouter trois titres en anglais. Ce sera On a Night Like This, le duo qu'il avait interprété avec Vicky Landros qui sortira uniquement sur l'album Love is Alive de Vicky Landros. Et on écoutera après deux titres, mais je vous en parlerai tout à l'heure juste après On a Night Like This. Vous écoutez Johnny de LZ, ici nulle part ailleurs sur RIG de 22h jusqu'à minuit tous les mercredis soirs. Never thought it could happen to me on a night like this. En septembre 1981, retour dans les studios Factory à Londres pour les sessions de l'album Pas Facile. Ain't Much Fun devient le rock'n'roll, c'est comme ça. Au studio Factory, Andy McKay réalise 4 titres qui resteront inédits jusqu'en 1993. Trouble Boys de Dave Edmunds, Brave Stranger, la reprise donc de Bob Seger, Ain't Much Fun et How Wrong Can You Be. Ce sont les titres Trouble Boy et How Wrong Can You Be. Punaise, décidément, j'ai du mal ce soir avec l'anglais. Pourtant, c'est facile, je suis bilingue. C'est facile en principe. On poursuit donc toujours Johnny Hallyday en anglais. Trouble boy. 1982, Johnny chante en espagnol. Du moins, l'album est sorti en 1982. Car fin 1981, Johnny choisit Pierre Billon pour s'occuper de sa carrière artistique chez Philips Phonogram. La première réalisation de ce dernier est l'adaptation en espagnol des anciens succès destinés à appuyer une nouvelle tournée en Amérique du Sud où Johnny est une star très importante depuis 1967. Les sessions ont lieu au studio des Dames en octobre 81 et les arrangements sont confiés au chef d'orchestre Roger Loubet qui modernise ses nouvelles versions hein, où utilise les anciens playback orchestre. Noir c'est noir de 66 est ainsi transformé. Ave Maria de Schubert est proche de la version italienne. D'Estrada à la mort, derrière l'amour, hein, Gabriella Gabriel, Requiem pour un loco, Requiem pour un fou, Me olvidé de vivere, j'ai oublié de vivre, El Penal Penitentiel, Musica que amo, qu'on a entendu en début d'émission, Yo te amo, que je t'aime, Te sigo fiel, toujours le même, hein, complète cet album Black et Noir qui sort en juin 82 en Espagne, au Paraguay, en Argentine, en Colombie, au Pérou, au Venezuela. Il donne de nombreux concerts et fait aussi quelques télés avec Te sigo fiel, Black Es Noir et Ave Maria. Trois titres, version étrangère, version française, Destra et la mort, El Penal et Yo te amo sont érigés. Étoiles de l'amour siguen pie. Una cadena de porqués. Un mar de eternas dudas y mil preguntas mudas des pleurs qu'on garde sur le cœur et des regrets et des rancœurs des souvenirs éblouissants et des j'ai cette femme auprès de moi. Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Me pregunto si tu amor es solamente compasión. No me permites ver la luz y me mantienes ciego. Por favor, dame tu cuerpo. Ven a mí si me ves caer. Gagner. padre, di a tus hijos que no sean como yo. Sal la nuit, traîne dans les rues, ils iront tout droit en prison. Maintenant le mix version espagnole et version française de Que je t'aime, Yo te amo. Cuando tu pelo está sustituyendo al sol en el común altar de nuestra habitación, cuando penumbra y luz dibujan en tu piel valles de plenitud y océanos de miel. Yo te amo mucho más. Ta bouche se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, oui quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Sumisión se vuelve vendaval y mezclas el temor con la temeridad. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Está volcado sobre ti después de conquistar y de sucumbir con quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui a peur. Que la vida se vive un momento. De tanto que verse en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé. Tanto cantare al amore e alla vita, mi chiede sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentidos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé. Me olvidé de vivir. J'ai oublié de vivre avec cette consonance hispanique. Voilà, c'était voilà une production de Pierre Billon. Voilà ce qu'on peut dire. Fini maintenant la version, les versions espagnoles. On revient en version anglaise. Et en 1984, Johnny Hallyday en VO est enregistré au studio Emporium de Nashville et sort en novembre 1983. Cet album va connaître, malgré ses qualités, une carrière discrète. When You Turn Out the Light, quand un homme devient fou, est la face B de la bande originale du film Signe extérieur de richesse. Et on écoutera également On the Edge of the Age. Voici tout de suite Signe extérieur de richesse en version anglaise, mixée avec la version française. My life on the edge of the game. and it's cool to hear dusty rock and roll. Version uniquement anglaise des années mono. Voici à présent la version française étrangère de When You Turn on the Light, quand un homme devient fou. J'espère que vous avez mis la bonne version. J'espère qu'il n'y aura pas de couac. Vous m'en excuserez, hein? Soyez indulgents. je t'ai suivi. En 1992, pour un album destiné à récolter des fonds pour la recherche contre le sida, Étienne Dao demande une participation à ses camarades stars. Johnny répond présent et aidé du guitariste Norbert Nono Krief et du choriste Eric Bami, il enregistre au studio parisien Mega une chanson d'Elvis Presley qu'il connaît depuis toujours et qu'il a déjà inscrite dans sa discographie en français, « Ma vie à t'aimer », voici « Loving You ». I will spend my whole life too loving you, loving you. Winter, summer, springtime too, loving you, loving you. Makes no difference where I go or what I do. You know that I will always be loving you, just you. And if I'm seen with someone new, don't be blue, don't you be blue. I'll be faithful, I'll be true, always true, true to you. There is only one for me and you know. You know that I will always be loving you. Yeah. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live à présent pour terminer cette émission. Oh, il a encore pour 10 minutes, un quart d'heure encore d'émission. Ouais. On retrouve Johnny à la Cigale en 1994 avec Gimme Some Lovin'. Pas de version française ce titre-là, mais uniquement une cover. Yeah. Je ne pouvais pas faire une émission sans vous mettre un petit tipiac dans l'émission. On retrouve Johnny Hallyday, c'est à la cigale aussi, mais en 2006, avec le titre Blueberry Hill. Non, Johnny l'a reprise en anglais, mais pas en version française. Where am I to go? Blueberry Hill. C'était Eddie Mitchell en 1977 sur l'album La Dernière Séance qu'il avait fait une reprise de ce titre-là sous le titre La Colline de Blueberry. Blueberry qui veut dire myrtille en anglais. Oui. Allez, John Hayden en 1996 exactement à l'Alden Theatre avec High Heel Sneakers. Plus je te regarde, plus je te trouve jolie. Dernier titre de cette soirée spéciale versions étrangères avec les versions françaises. Cette version date de 2012, elle s'intitule A Better Man. Et en 2012, suite à la question posée d'un journaliste du Parisien à Johnny, et votre album L'Attente va sortir pour la première fois en Angleterre. Johnny répondait, oui, je n'ai rien demandé, c'est suite au concert que j'ai fait à Londres. Je vais même enregistrer 3 titres en anglais, L'Attente, 20 ans, L'Amour à mort. Il y a des paroles en anglais, c'est déjà sur 20 ans, et L'Amour à mort, qui n'ont rien à voir avec la version française. En revanche, on va traduire L'Attente, le disque sera ensuite entièrement traduit dans la langue de Shakespeare. Je vais peut-être demander à Diane Warren, qui a fait des tubes pour plein de gens aux États-Unis, d'écrire les paroles. Je vous avais déjà diffusé cette chanson, ce titre, lors de la dernière émission de la première partie, donc de versions étrangères, versions françaises. Et bien pour terminer, pour clore ce sujet, voici à nouveau L'Attente, Better Man. Look at all these golden years, what did they bring to me? Now the things I thought I wanted don't mean a thing to me. I see the birds upon the wires, they won't sing to me. I thought the sun would never fade when I was young. Oh, I could have been a better man, could have been the one for you. Now what is done may well be done, but still I know it's true. There could never be a man to feel a love for you like I did, like I do. À quoi peuvent bien servir mes jambes si comme les feuilles elles tremblent? Que vais-je bien faire de mes 10 doigts s'ils ne te touchent pas? Que peuvent devenir mes yeux s'ils n'y voient plus que du feu? En ce qui concerne mon front, il combat toujours ses démons. J'ai tout fait contre, j'ai rien fait pour. J'ai joué la montre, j'ai perdu mon tour. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Le ciel est plus clément. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Ça fait déjà si longtemps. Pourquoi ne reprendrais-tu pas un peu de mon temps comme avant? Oh, comme avant. Cette émission Johnny 2 à Z numéro 460 spéciale émission version étrangère et version française. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission et d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et l'émission sera en live. Vous retrouverez prochainement ce podcast, ne vous inquiétez pas, très très très bientôt. Bonne nuit à toutes et à tous, à très bientôt, ciao ciao. And RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.